Section 60 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Deuxième partie, chapitre 29. Charlotte s'était précipitée à genoux à côté d'Emmanuel, étendu sur le sable du jardin. Il paraissait mort. Son visage était décoloré, sa poitrine n'était plus soulevée par la respiration. Vivement, elle lui avait posé la main sur le cœur, il ne battait plus. Épouvantée, elle l'avait pris dans ses deux bras pour le relever, mais elle n'avait pas pu soulever ce corps ballant. Alors, elle s'était tournée vers Georges, qui, marchant moins vite, était arrivé après elle. « Courez à la maison, dit-elle, amenez Martin, un domestique, quelqu'un. » Georges partit, elle avait défait la cravate d'Emmanuel et déboutonné le col de sa chemise, puis elle lui avait fortement frotté les mains dans les siennes, quittant l'une pour reprendre l'autre. Elle était éperdue, non désespérée. Il était vivant. Ce visage pâle et convulsé ne portait pas l'empreinte sinistre de la mort. Qu'avait-il éprouvé? Une congestion cérébrale? Une attaque d'apoplexie? Une syncope? Elle crut remarquer que la pâleur du visage s'affaiblissait et que la poitrine se soulevait doucement. De nouveau, elle lui tâta le cœur. Il battait. Il rouvrit les yeux et, la voyant penchée sur lui, il la regarda longuement. « Qu'as-tu? Que veux-tu? » s'écria-t-elle. Mais il ne répondit pas, soit qu'il n'entendit pas encore, soit qu'il ne put pas parler. Seulement, il continua de la regarder. Bien souvent, au temps où il commençait à être malade, elle avait été profondément remuée par les regards tristes qu'il attachait sur elle. Mais jamais elle n'avait trouvé dans ses regards de désolation pareille à celle qu'elle voyait en ce moment. Elle voulut répéter ses interrogations, mais l'émotion arrêta les paroles dans sa gorge. Il continua à la regarder sans rien dire, secouant légèrement la tête avec une expression d'accablement et de douleur véritablement navrante. S'appuyant sur une main, il se souleva doucement, et approchant son visage de celui de Charlotte, il la regarda encore. À ce moment, un bruit de pas précipité retentit dans l'allée. C'était Georges qui accourait avec les domestiques. Emmanuel quitta Charlotte des yeux et regarda dans la direction d'où venait le bruit. En apercevant Georges, l'expression de son visage changea subitement. Sa figure rougit, les veines de son front et de son cou se gonflèrent, ses dents fortement pressées les unes contre les autres firent entendre un grincement. Son regard lança des flammes. Mais presque aussitôt, un nouveau changement se fit en lui. Sa figure redevint pâle, son nez se dilata, ses joues se creusèrent, ses lèvres furent agitées par des mouvements convulsifs, et chose étrange, ses yeux parurent rouler d'un côté à l'autre. Georges ayant continué d'approcher, Emmanuel se rejeta brusquement en arrière, tandis qu'un de ses bras se portait en avant. Charlotte, pendant ces différentes transformations de physionomie rapides comme l'éclair, ne l'avait pas quitté de vue, et elle avait compris les mouvements par lesquels ils passaient aussi clairement que s'ils avaient été expliqués par la parole. Lorsque tout d'abord il l'avait regardé, il était sous le coup d'une immense douleur. Puis, lorsqu'il avait aperçu Georges, sa douleur avait été remplacée par la frayeur. Enfin, à cette frayeur avait succédé presque instantanément l'épouvante. Il avait donc entendu leur entretien. Avant qu'elle pût examiner cette question, Emmanuel s'était de nouveau soulevé. « Donne-moi la main, » dit-il à sa femme. Et comme elle lui tendait la main, « Non, » dit-il, en paraissant se raviser, « il vaut mieux que je te m'aide du bras de Georges, il est plus fort. »« Qu'as-tu donc éprouvé ?» demanda celui-ci. « Ah, c'est vrai, oui, ce que j'ai éprouvé, » répondit Emmanuel, s'appuyant sur le bras que Georges lui tendait. « C'est bien simple. J'ai cru vous apercevoir dans le jardin. Au lieu de rentrer à la maison, je me suis dirigé de votre côté. » Si bien maître qu'il fût ordinairement de son sang-froid, Georges baissa les yeux, tandis que Charlotte, au contraire, restait suspendue aux lèvres de son mari. « En marchant vivement vers vous, continua Emmanuel, sans regarder à terre, j'ai heurté une racine du bout du pied, et je suis tombé. Comme ma tête a porté sur une pierre, je me suis évanoui. C'est bien simple, n'est-ce pas ? C'est même assez bête. » Ils marchèrent en silence jusqu'à la maison, évitant de se regarder les uns les autres. « Je vais me reposer un peu, » dit Emmanuel en entrant. « Je te remercie, Georges, Je monterai bien seule. Charlotte m'accompagnera. » Comme celle-ci, en arrivant dans la chambre, s'empressait autour de lui, il l'arrêta doucement. « Je n'ai besoin de rien, dit-il. Je voudrais seulement dormir. Passe dans ta chambre, je te prie. Je t'appellerai quand je m'éveillerai. » Il resta 4 heures sans l'appeler et elle eut tout le temps ainsi de réfléchir. Avait-il surpris leur entretien? Tout semblait l'indiquer. Mais alors comment expliquer l'accueil qu'il avait fait à Georges, son attitude avec lui, ses paroles? D'un autre côté aussi, comment expliquer sa colère quand il l'avait aperçue, puis ensuite sa frayeur? Il y avait là des contradictions devant lesquelles son esprit s'égarait sans pouvoir arriver à une conclusion. Maintenant, qu'allait-il se passer? Quand Emmanuel vint la rejoindre dans sa chambre, rien ne donnait à penser qu'il avait employé son temps à dormir. En tout cas, son sommeil avait dû être pénible, car son visage était contracté par la souffrance, et dans ses yeux se lisait le désespoir. Elle tenait en ce moment son enfant sur ses genoux. Brusquement, il détourna la tête et il s'arrêta. Mais bientôt, il reprit sa marche et vint jusqu'à elle. « Descendons, dit-il. Georges est seul. Il doit être inquiet. Il ne faut pas qu'il soit inquiet. » Il n'y avait aucune exaltation dans son attitude ni dans son accent. Mais en entrant dans le salon, cette exaltation se montra pour ainsi dire instantanément. Il parla beaucoup, et ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, il déraisonna. En le regardant, il était impossible de reconnaître l'homme qu'on avait vu le matin. C'était bien un fou qu'on avait devant soi. Georges sortit un moment, et aussitôt cette exaltation tomba. Il rentra, elle reparut. Charlotte était stupéfaite. Elle ne savait que croire. Ce qui se passait sous ses yeux était tellement étrange qu'elle n'osait aller jusqu'au bout des pensées qui se présentaient à son esprit. Pendant les 2 journées que Georges passa à la crique, l'attitude d'Emmanuel ne se modifia pas. En présence de Georges, il montrait une exaltation fiévreuse qui donnait à croire qu'il était revenu au plus mauvais temps de sa maladie. En arrière de lui et en tête à tête avec Charlotte, il laissait paraître un accablement et un désespoir morne. Il ne se plaignait pas, il ne répondait même pas à ses questions, mais il la regardait et son regard en disait autant que les plaintes les plus éloquentes. Si grande que fût son anxiété, elle ne voulut pas cependant interroger Georges pour savoir ce qu'il pensait de cette situation, et quand celui-ci, de son côté, cherchait à l'entretenir, elle parvint à lui échapper. De même qu'Emmanuel avait voulu aller au-devant de Georges à son arrivée, de même il voulut le conduire à son départ. Charlotte, n'osant pas le laisser aller seul dans l'état où il était, l'accompagna. « Et maintenant, demanda Georges, quelques instants avant le moment de les quitter, qu'allez-vous faire ?»« Je ne sais trop, répondit Emmanuel. Restez ici sans doute, puisque nous y sommes bien, car nous nous trouvons bien à la crique, n'est-ce pas, Charlotte ?»« Très bien. »« Très bien pendant la bonne saison, continua Georges, mais j'espère que vous reviendrez passer l'hiver à Paris. Tu entends, Emmanuel, je compte sur toi. » « Cela dépend de Charlotte. »« Non, cela dépend de toi. Tu n'as qu'à manifester le désir de venir à Paris pour que ma cousine soit prête aussitôt. Du reste, je te préviens que si je ne te vois pas arriver à la fin de décembre, je t'envoie prendre ici de force. » Georges avait parlé sur le ton de la plaisanterie, mais à ce mot, Emmanuel eut un tressaillement et recula d'un pas. Bien vite, il se remit, et prenant lui aussi le ton de la plaisanterie, « Tu n'auras pas besoin d'employer la force, » dit-il. Nous irons à Paris. » On ouvrit la porte et on appela les voyageurs pour monter en voiture. Georges tendit la main à Emmanuel et celui-ci la lui serra. Il prit ensuite la main de Charlotte qui se laissa faire. En revenant à la crique, Emmanuel et Charlotte firent la plus grande partie du chemin sans échanger une parole. Enfin, pour échapper à la gêne de cette situation, elle voulut engager la conversation sur des choses insignifiantes, mais il ne répondit pas et resta plongé dans sa méditation. En apercevant seulement le toit de la maison, il sortit de sa stupeur et la regardant longuement. « Pauvre femme, » dit-il, et ce fut tout. Elle eût voulu répondre et mettre à profit cet épanchement pour l'obliger à parler, mais on arrivait dans le jardin et déjà Martin accourait pour tenir les chevaux. Elle espéra qu'une occasion se présenterait bientôt ou que tout au moins elle pourrait la faire naître, mais son espérance fut déçue. L'exaltation qui s'était montrée chez Emmanuel pendant les dernières journées du séjour de Georges se calma, et les craintes que Charlotte avait pu avoir pour une rechute ne se réalisèrent heureusement pas, mais d'un autre côté, l'accablement et le désespoir persistèrent. Pour le petit Charles, plus une seule caresse. Pour elle, plus un seul mot d'épanchement. Parfois, il s'arrêtait devant la nourrice et pendant plusieurs minutes, il regardait l'enfant avec une expression si étrange que Charlotte, effrayée, allait instinctivement se placer près de lui et quelquefois même prenait son fils dans ses bras comme si elle eût pressenti le besoin de le défendre. Les semaines, les mois s'écoulèrent sans amener aucun changement dans cette situation. Emmanuel ne sortait de son mutisme habituel que pour parler des choses de la vie ordinaire. Tout son temps, il le passait seul à lire, et c'était à peine si elle pouvait l'arracher à ses livres pour lui faire faire une courte promenade. Au mois de décembre seulement, et pour la première fois, le nom de Georges fut prononcé entre eux. « Je viens de recevoir une lettre de Georges, » dit Emmanuel. « Il me rappelle ma promesse d'aller passer la fin de l'hiver à Paris. » Mais cette promesse n'était pas sérieuse. Une promesse est toujours sérieuse. D'ailleurs, il suffit que Georges en demande l'exécution pour que nous soyons obligés à la tenir. Je tiens à ne pas fâcher Georges. Que nous importe ? À moi, il importe beaucoup. Au reste, il faut qu'il ait bien à cœur le désir de nous voir pour nous rappeler cet engagement, en ce moment où la politique devrait le prendre tout entier. Les journaux disent qu'il va probablement entrer dans le nouveau ministère. C'est une grande preuve d'amitié qu'il nous donne de penser à nous au milieu de si graves préoccupations. Nous partirons à la fin du mois, comme je l'ai promis. Fin de la section 60.